Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce moment béni Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Entre tes mains nous nous plaçons. Entre tes mains nous nous abandonnons Seigneur. Demander de souffler dans nos vies un souffle de vie. Sois face à ton Dieu, simplement devant lui. Parle-lui. Parle-lui. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et parler à Dieu? Pendant que cette musique est en train de retentir, parle à Dieu. Prends la position que tu veux. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi. Parle-lui, parle à ton Dieu. Minus que le glory, in a minus que le bride, Jesus. Ba ba ba ba, in the robo, so que le bride. Daraba, in the robo, so rabanas que le bride. De verebo, shandarabo, so daba. Dandarebo, so daba, sa. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Alléluia. Souffle, souffle de Dieu. T'accueillons, viens purifier nos cœurs. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Souffle. Parle à lui. Nous t'accueillons. Purifier nos cœurs. Alléluia. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. fuori lo che ne leva naschi no shari avana fari lo che ne fai avana ton esprit, tu as dit car sans moi vous ne pouvez rien faire, sans mon aide, sans mon assistance, sans ma présence et ma puissance, vous ne pouvez rien accomplir. Je veux le dire que je suis rien sans toi et j'ai besoin de souffle de Dieu. Je me redis dans cette cogèque que nous avons besoin du souffle de Dieu. Que le souffle qui ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais qui vient d'en haut, vienne souffler dans la vie de chacun d'entre nous. Ainsi que tu l'as déclaré dans la vie de Ézéchiel, est-ce que ses ossements pourraient-ils revivre? Il a dit, toi-même, tu le sais, je ne sais pas. Il dit prophétise sur les eaux. Ensuite il dit prophétise. Et que l'Esprit de Dieu vienne de quatre vents des cieux. Et qu'il souffle sur ces morts. Afin que ce mort revive. En devenant une grande armée. Disposée à servir Dieu. À cette génération. Alléluia. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Oh, Sharabaya Rabba. Hallelujah. Hallelujah. Nous élevons nos mains vers toi. Oh. I the bride. I the glory. Nous élevons nos mains. Vers toi, tu peux le chanter avec moi encore. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons, alléluia. dans le ciel, monte à l'adoration. Oh oui, nous élevons. Oui, que le man est skillé, oui, le prêtre man. Où le man est skillé, votre de prêtre. Où le man est skillé, votre de prêtre. Oh oui, nous élevons. Pousser des cris de joie. Est-ce que quelqu'un ce soir peut pousser des cris de joie? Pendant que tu pousses des cris de joie, il y a des murailles qui sont en train de tomber. Il y a des flèches de l'ennemi qui sont en train d'être renversées. Nous élevons le nom de notre Seigneur, le nom de celui qui était, le nom de celui qui est, le nom de celui qui vient. Pas un autre nom comme lui. Ne t'arrête pas. Acclame-le comme tu l'as jamais acclamé. Célèbre-le comme tu l'as jamais célébré. Nous célébrons son nom ici à Goma, ici dans ce pays, ici dans cette église. Le nom, le seul nom qui est digne d'être loué, élevé, adoré. Le nom de Jésus. Comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Oh oui, comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. À lui toute la gloire. À Jésus toute la gloire. Merci. Merci. Merci Père. Merci pour cette soirée. Merci parce que tu es là ce soir pour nous faire beaucoup de bien. Je demande l'onction. L'inspiration de ta part, le discernement spirituel, demande le feu qui vient de toi et embrase nos cœurs, embrase le vase que nous sommes, embrase cette église, embrase ces hommes et ces femmes, ces jeunes, que ta volonté parfaite soit non, la mienne me la tient. Oh my God. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Je sens l'onction du Saint-Esprit ce soir. Je sens sa gloire. Je sens sa puissance. Oh my God. Oh, oh, oh, oh. Est-ce que tu es sensible? Tous ceux qui sont sensibles, spirituels, tu peux sentir que ce soir, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Le Saint-Esprit a déposé quelque chose. Ouh. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Tout l'honneur. Quelque chose va se passer ce soir. Quelque chose va se passer ce soir. Jesus. Seigneur pour sa présence. Alléluia. Nous reprenons nos places. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Nous continuons notre grand thème sur dans cette convention entre les mains du divin potier. Et ce soir, je vais reparler de la dernière phase dans la transformation de l'argile. Et je veux parler de cette phase de cuisson. Et mon thème, c'est le feu du ciel. Regarde ton voisin, dis-lui le feu du ciel. Nous allons prendre quelques textes. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Ensuite, nous lirons Exode chapitre 3, le verset 1 à 4. Après, nous allons lire Matthieu chapitre 3, le verset 11. Et enfin, nous allons prendre Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 1er au verset 4. Genèse chapitre 2, le verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Exode, au chapitre 3, nous voulons lire le verset 1er au verset 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Matthieu, chapitre 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Actes chapitre 2. Verset 1er au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors que nous sommes en train de conclure notre séminaire sur ce grand thème, nous avons parlé de cette vision que Dieu avait donnée à son serviteur, le prophète Jérémie, de descendre dans la maison du potier et de regarder, d'observer des choses qui allaient se passer. On a vu le premier jour comment est-ce que le potier était en train de travailler sur le tour, faisant le vase qui a réussi. qui avait, pardon, échoué, et ensuite il va refaire un deuxième vase qui va réussir. Et nous avons vu le deuxième jour que Dieu avait un choix par rapport à l'argile qu'il devait lui-même travailler, transformer. On a parlé que cette argile était appelée à être un instrument de son choix. Et après, nous avons parlé du processus de la transformation. Comment est-ce que Dieu, en prenant l'argile, jette d'abord de l'eau, il met de l'eau pour purifier cela, cette argile, afin d'enlever les impuretés. Nous avons vu également comment est-ce que Dieu commence à travailler, et que le travail de Dieu, le changement, la transformation n'est jamais une œuvre extérieure, mais cela commence d'abord à l'intérieur. Et nous avons vu que Dieu va arracher, détruire beaucoup de choses pour planter en nous sa gloire, sa présence, sa nature divine. Et hier, nous avons parlé justement de la succession des événements, de la succession de toutes les circonstances qui va permettre, parce qu'il va placer cette argile-là qui est purifiée sur le tour, et sur le tour de la transformation, le Seigneur va se mettre à travailler. À travailler chaque circonstance qui va permettre dans nos vies, chaque événement, chaque lieu où il va nous amener, chaque difficulté, chaque problème, chaque souffrance qui va permettre a pour but justement de nous donner la forme. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes, nous n'avons pas tous les mêmes difficultés, nous ne passons pas tous par le même chemin, mais que cela ne tienne, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Par quel chemin Dieu te fait passer, il est en train en même temps de te donner la forme que lui-même veut pour toi. Et une fois que ce vase est sorti du tour de la transformation, on ne peut pas l'utiliser d'emblée comme ça. Il faut que ce vase puisse être séché, et on va utiliser la fournaise, on va utiliser le feu. Et le feu a pour but de cuire le vase que tu es devenu, de te solidifier. Amen. Et la cuisson, c'est le feu. Dis avec moi, le feu. Et le feu nous parle ici du feu de la fournaise. Et c'est la dernière étape dans la transformation de l'argile. Et c'est une étape de la solidification. Tu auras besoin du feu pour devenir un homme et une femme solide, dur. Comme Dieu pouvait dire à Jérémie, je rendrai ton front dur. Je ne rends pas ton cœur. Ton cœur doit être sensible, un cœur de chair. Mais ton front doit être dur pour résister face à l'opposition. Pour apporter un changement au milieu d'un peuple qui refuse le changement. Je rendrai ton front dur. Je veux te solidifier. Et le temps arrive où Dieu ne veut plus que nous soyons des personnes fragiles, sensibles. Des enfants flottant, ballottant à tout vent des doctrines. Dieu veut que nous puissions devenir stables, rigides, solides, forts. Et pour cela, il utilise le feu. On expose ce vase au feu du soleil, et le feu du soleil solidifie l'argile. Alléluia. Alléluia. Le feu est la dernière étape dans le travail de la transformation, dans le changement. Dieu veut faire de toi un vase utile, un vase d'honneur. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 21, 2 Timothée 2, 21, il est écrit ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur, comme Joseph, on l'a vu hier, s'est conservé pur dans l'intégrité, dans la pureté, la Bible déclare, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Donc Dieu vise que tu deviennes un vase d'honneur. Tu ne seras plus un vase d'un usage vil. Tu ne seras plus un homme ou une femme inutile. Mais tu seras aux yeux de Dieu, aux yeux du monde, un vase d'honneur, un récipient qui va contenir la gloire de Dieu. Paul dira quoi? Il dira que nous portons ce trésor dans de vases de terre afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Les vases d'honneur qui vont être utiles au maître, qui vont faire la joie du potier. un produit fini. Quand le potier te regarde, il est lui-même fier de toi. Imaginez un peu que c'est vous, le pot, le vase. Regardez ce pot. Regardez comment on a mis de fleurs. Et regardez la sculpture qu'il y a. Waouh! C'est juste une image que je vais vous montrer ici. Et quand le divin potier regarde lui-même le vase, il dit waouh, quel chef-d'œuvre. Lui-même, il est content de lui-même. Il est en même temps content de toi. Et il peut maintenant commencer à faire la publicité. Il peut maintenant l'amener sur le lieu public pour t'exposer, pour que tu sois vu, pour que tu sois connu, pour que le monde t'apprécie, pour que tout le monde puisse dire waouh, quelle belle créature, quelle belle œuvre d'art, un vase d'honneur, utile au maître et propre à toute bonne œuvre. Quelle œuvre? Une œuvre de transformation, une œuvre de changement. Une fois que toi-même tu as été transformé, tu deviens un instrument pour changer les autres. Car le changement ne doit pas rester égoïste, moi-même, non. Mais si je suis changé, c'est pour aider les autres à changer. C'est pour répandre ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Tu deviens un agent du changement. Ce feu est comparé au feu de la fournaise. De la fournaise ardente dans lequel on avait jeté les trois amis de Daniel. Ils connaissaient Dieu, mais ils ont refusé de se plier devant la statue du roi. Et le roi, avec l'édit qui était, le décret du roi qui était lancé à cette époque, on les prend et on les jette vivants. On les lit avec des caleçons de lien et on les jette dans la fournaise ardente. Mais le problème est lequel? C'est que les gens qui les ont jetés eux-mêmes ont été consumés. Mais eux n'ont pas été consumés. La fournaise a été chauffée 7 fois. Et quand on les a jetés, le roi lui-même a eu peur et il se lève. Et il pose la question. Alors que personne n'avait vu. Eux-mêmes n'étaient peut-être pas conscients. Mais ceux de l'extérieur étaient conscients qu'il y avait un changement qui se produisait. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes avec des liens? Oui, on a jeté 3 hommes. Il dit, eh bien, je vois 4 hommes qui marchent dans le feu sans lien. Dans la fournaise ardente, tu auras la révélation du 4e homme. Tu auras la révélation de Dieu. Tu auras la révélation du Tout-Puissant qui va faire en sorte que même quand tu passeras par le feu ne te consumera pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans cette fournaise ardente, le feu était devenu un climatiseur. La fournaise, tu as besoin du feu avant de briller. Dieu va faire briller beaucoup. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4 verset 12 à 14, la Bible nous dit ceci. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans la grâce lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous voulez avoir ce feu, vous voulez avoir l'Esprit de Dieu, Dieu vous fera passer par le feu. La Bible dit, c'est à cause de ce feu, de cette fournaise, que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu vient reposer sur vous. Le feu de la fournaise, c'est l'objectif de Dieu pour nous communiquer, nous donner son esprit. Le plus grand trésor, c'est Dieu lui-même dans la vie d'un homme. Alléluia. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, la Bible dira que l'Éternel Dieu forma l'homme. Il prend le temps de former, de façonner l'homme à partir de la poussière de la terre. C'est tout ce qu'on a vu depuis le premier jour. C'était juste la formation. Quand il a fini la formation, l'argile était toujours là couchée. Mais la Bible dira, il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Dis à ton ami, Dieu souffle. J'aimerais que tu parles à ton ami, dis-lui, Dieu souffle. Tu as juste parlé du souffle, mais tu n'as pas soufflé. Dis-lui encore. Dieu souffle. Et le verbe souffler, quand vous allez dans l'hébreu, le verbe souffler veut dire littéralement nafak. Et nafak veut dire allumer. Donc Dieu allume l'homme. Dieu répand ce qui est de lui. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Et il prend de son esprit et il allume l'homme. Il vient s'investir dans l'homme. Il souffle un souffle de vie. Dieu est esprit et l'esprit est feu. Mambrokatakaya. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. La Bible dit, il souffla un souffle de vie. Le mot souffle veut dire neshama, neshama, souffle, neshama. Et neshama nous parle du bruit. Quel bruit? Le bruit de la vie. Là où il y a la vie, il y a du bruit. Si vous voulez entendre du bruit, tu ne vas pas te rendre dans le cimetière. Parce que dans le cimetière, il n'y a que le silence. C'est la demeure du silence. Si tu veux entendre du bruit, tu pars à la maternité. Parce que lorsqu'un bébé vient au monde, sans qu'on l'apprenne à crier, il va pousser un cri et il va prier, et il va crier et il va crier. C'est pourquoi là où il y a la présence de Dieu, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a du bruit. Là où il y a du bruit, il y a le mouvement. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas la vallée d'ossements desséchés, mais nous sommes une armée de Dieu remplie de vie. Il souffle. Oh Seigneur, aujourd'hui souffle sur la vie de quelqu'un. Souffle sur ma vie. Oh mon Dieu, souffle. Il allume. Oh, aujourd'hui, il va y avoir des choses qui vont s'allumer dans vos vies. Je vous parle prophétiquement de la part de Dieu. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Je disais, aujourd'hui, quelque chose va se passer. Il va allumer quelque chose. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, sans le souffle de vie, tu es mort. Alléluia. Dis encore le souffle. Le souffle n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comparé à un souffle. N'est-ce pas que Jésus a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 8, le vent souffle et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui étaient en train de t'attendre, attendre ta chute, ils pensaient que tu allais passer par là. Le vent va te changer de direction. Le vent de Dieu va t'emmener par une autre direction. J'aimerais dire aux enfants de Dieu que la nuée de Dieu marche devant de toi. La colonne de feu marche devant de toi. L'ennemi ne te surprendra pas. Ils formeront des projets contre toi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. J'aimerais te dire, les gens qui ont dit que tu ne vas pas avancer, que tu ne vas pas réussir, que tu n'iras pas de l'avant, ils se sont trompés. Parce que devant toi, il y a le souffle de vie. Parce que devant toi, il y a le souffle de vie. Il y a la colonne de la nuée. Il y a la colonne du feu. Tu ne tomberas pas dans leurs pièges. Ceux qui mettront des pièges tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. Je suis venu dire à quelqu'un, le feu de Dieu, le souffle de Dieu est devant nous. Et le Saint-Esprit est comparé au feu. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Oh, j'aime ça. Un feu. Mais pas n'importe quel feu. Un feu qui dévore. Dans Deutéronome chapitre 4, le verset 24, il est dit ceci. Deutéronome 4, verset 4, il est dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Et un Dieu jaloux. L'Éternel, ton Dieu, est un feu. Le feu du ciel dont nous avons besoin, qui est censé nous cuire, nous investir. C'est l'Éternel lui-même, c'est Dieu lui-même. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 29, il est dit la même chose. Hébreux 12, verset 29, la Bible dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. un feu qui dévore. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque nous venons à lui, la Bible dit, nous tous avons le visage découvert, reflétons la gloire de Dieu. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Parce qu'il est un feu dévorant, il nous purifie. Parce qu'il est un feu dévorant, il enlève des impuretés. Parce qu'il est un feu dévorant, il amène la gloire chaque jour. Chaque jour qui passe, tu vas de gloire en gloire. Et cet esprit est jaloux. Il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait reposer en vous. Le Saint-Esprit est le feu de Dieu. Dans 2 Timothée 1, versets 6 à 7, Paul dit à Timothée, rallume la flamme du don que tu as reçu. Rallume la flamme du don que tu as reçu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais son esprit nous remplit d'amour, de sagesse et de force. Le Saint-Esprit, tel un feu, vient te remplir de la force. Et quand on parle de force, on voit le pouvoir. Quand on parle de force, on voit l'autorité. Quand on parle de force, on voit la puissance. Quand on parle de force, on voit l'onction. Et c'est un esprit qui te remplit de force. Et quand tu es rempli de ce feu-là, tu n'auras plus peur. Oh, je vois quelqu'un avancer parce qu'il n'a plus peur. Les choses qui te faisaient peur hier ne te feront plus peur. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte. Tu ne craindras pas la flèche qui volera la nuit. Tu ne craindras plus ces choses parce qu'en toi, Dieu va mettre un feu. La dernière étape, le feu. Le feu. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Regardez ce que Dieu dit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous voyez? Donc, le souffle qui était mis dans Adam n'était rien d'autre que l'esprit, le feu de Dieu. Et il dit ici, ne l'éteignez pas. Pourquoi? Parce qu'on peut l'éteindre. Le Saint-Esprit est le feu de Dieu, le feu du ciel en nous et nous devons l'entretenir. Et c'est ça qui nous anime. Job nous dit ceci, regardez, dans Job 33, verset 4, il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être animé. Vous ne pouvez pas apporter un changement autour de vous. Alors que Dieu a commencé son œuvre en vous, tant que l'Esprit n'est pas venu, vous aurez peur, vous serez découragé, vous n'aurez pas la force, vous serez intimidé. La raison pour laquelle il nous demande de recevoir son feu. On ne peut pas parler de la transformation si cette transformation ne reste que dans les quatre murs ici. Non! Tu es transformé pour aller transformer les autres. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu es transformé pour aller transformer ton environnement, pour aller transformer ta famille, pour aller transformer tes collègues au travail, pour aller transformer tes collègues à l'université, à l'école. Tu es transformé pour transformer les autres. C'est pour ça que tu as besoin du feu. Dis, Seigneur, remplis-moi de ton feu. Oh là là, tu ne pries même pas avec moi. Dis, Seigneur, remplis-moi de ton feu. Qui veut le feu de Dieu aujourd'hui? Qui veut le feu? Gorataka basaka. Amen. Et Adam, une fois qu'il a été rempli de ce feu, de l'esprit, il pouvait maintenant se lever. Il pouvait maintenant agir. Il pouvait maintenant dominer. C'est pourquoi Dieu lui a dit dominer. Dominer, c'est amener le règne de Dieu. Tu veux dominer sur les événements? Est-ce que vous savez que avant les choses, avant d'être matériellement conçues, c'est d'abord spirituellement conçu? Et que si dans le spirituel vous dominez, dans le physique vous allez dominer. Vous comprenez? Quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous allez commencer à dominer. Dominer sur les événements, dominer sur même les décisions des gens. Quand quelqu'un veut prendre une mauvaise décision, toi tu rentres dans ta chambre, tu dis l'Esprit de Dieu dans ma vie et tu influences sa décision. Oh, je vois des décisions qui vont être changées. Je vois des mauvaises décisions qui vont être transformées parce que tu rentres dans ton identité de fils de Dieu. Adam, le fils de Dieu, rentre dans son identité et il peut dominer et il peut régner. Pourquoi? À cause du souffle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Adam, fils de Dieu, pouvait dominer. Dieu veut aussi que tu domines. Le but de Dieu, c'est que nous dominions. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Jusqu'à quand tu seras dominé? Jusqu'à quand les événements vont nous dominer? Aujourd'hui, marque un point, marque un arrêt. Dis à partir de maintenant, je vais dominer. Je vais dominer sur les problèmes. Je vais dominer sur les situations. Je vais dominer. Car l'Esprit de Dieu vient en toi. Il t'amène la domination. N'est-ce pas? Qui est fils de Dieu ici? Qui est enfant de Dieu? N'est-ce pas que la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Quand tu nais dans ce royaume, la domination repose sur ton épaule. Je vois quelqu'un qui me dit, je ne serai plus influencé par les événements. C'est moi qui vais influencer par le Saint-Esprit. Je vois quelqu'un qui dit, je vais changer l'ordre de choses. Je vais commencer à influencer et à dominer. Les fils de Dieu dominent. N'est-ce pas que Dieu a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Bien-aimés, les fils de Dieu ont la nature de Dieu, ils ont la sémence de Dieu, ils sont des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ, ils reçoivent le Saint-Esprit et c'est un esprit de domination. Aucun esprit ne peut dominer là où il y a le Saint-Esprit. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on a appelé Daniel et ses amis, on les a éprouvés. La Bible dit on les a trouvés 10 fois plus intelligents, 10 fois plus que pourquoi? Parce qu'ils avaient en eux l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de supériorité. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'élévation. L'Esprit de Dieu va te qualifier, même au travail, on va te qualifier. On va te chercher à cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que la création attend avec un ardent désir. Qui? Qui? La révélation des fils de Dieu. Touche ton voisin, dis-lui, tu dois te révéler. Révéler veut dire manifester. Touche-le dans la main. Dis-lui, tu dois te révéler, tu dois te manifester. Tu t'es longtemps caché sur le temps. Après toute cette étape, Dieu va te présenter. Dieu va te présenter. Que tu le veuilles ou pas, Dieu va te présenter. Tu seras révélé. Tu seras la révélation de l'année. Dans ton domaine, tu seras la révélation. Oh non, la star de cette année. Parce que Jésus est la star des stars. Jésus est la star des stars. Quand Jésus est en toi, tu deviens automatiquement une star. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps où les stars vont être révélées est en train d'arriver. Il y en a qui ont brillé hier, qui sont devenus des étoiles filantes. Il y en a, leur étoile ne brille plus. Mais j'aimerais te dire, entre les mains du divin potier, tu ne vas jamais être une étoile filante. Tu vas briller, le temps de la manifestation des fils de Dieu arrive. Je parle des fils de Dieu. Je ne parle pas des pécheurs. Je parle des fils de Dieu. Je parle de ceux-là qui étaient sous la tour, le tour de la transformation, qui ont laissé Dieu les travailler. Maintenant, qui sont en train de cuire, qui sont en train de recevoir le feu. Ah, ce soir, le ciel est ouvert. Je vois le feu qui est en train de descendre et consumer quelqu'un. La révélation. Avant que tu ne sois révélé, Dieu te cache. Regardez la stratégie de Dieu. Quand Dieu a parlé à Élie, il a dit, après avoir donné la prophétie, Dieu lui dit, cache-toi. Dans cache-toi, il y a tout ce que nous avons vu. Quand tu es choisi, quand tu es travaillé à l'intérieur, quand tu es sur le tour de la transformation, tu es dans la saison de cache-toi. Cache-toi, personne ne te connaît. Cache-toi, personne ne te voit. Cache-toi, tu fais beaucoup d'efforts, peu de résultats. Cache-toi, tu te bats trop, mais rien. Cache-toi, tu es dans le secret. Tu es dans les ténèbres de Dieu. Mais c'est le même Dieu, après avoir réussi son travail sur le tout de la transformation, qui va dire à Élie, maintenant présente-toi. Et je suis venu dire prophétiquement à cette jeunesse qui a organisé cette congèque, le temps où Dieu va maintenant commencer à présenter certains arrive. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien compris. J'aimerais que tu sois prophétique et que tu sentes, tu saisis ce que l'Esprit de Dieu veut dire. J'aimerais dire ceci, dans ton domaine, tu es au travail, il y a une promotion qui doit arriver, mais on entend toujours de te mettre cache-toi, tu es derrière. Mais je dis maintenant, le temps arrive où Dieu va dire, maintenant présente-toi. Je suis en train de voir des gens qui vont se présenter. Le temps arrive où Dieu veut dire, présente-toi. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, merci pour la présentation. Dis-lui encore, merci pour la présentation. Tu seras présenté. Oh, je suis déjà dans la joie. Je sens déjà que Dieu veut me présenter. Donc, toutes ces années que j'ai travaillé, j'étais encore dans les secrets. Oh, le temps de ma présentation est en train d'arriver. Dieu ne présente pas quelqu'un si tu n'es pas passé par le feu. C'est pourquoi on a pris l'exemple de Moïse. Bien-aimé, Moïse était un homme choisi par Dieu. Il est né dans des circonstances très compliquées où le roi Pharaon, le roi d'Égypte, le Pharaon avait mis en place un décret parce que les Juifs se multipliaient tellement, il y avait une forte croissance démographique dans leur pays et ils commençaient à sentir une menace. Alors, il va voter une loi selon laquelle tous les mâles, tous les enfants qui devaient naître mâles devaient mourir. On devait le tuer, on devait laisser vivre seulement les filles. Mais la Bible nous dira qu'à cette époque-là, beaucoup de femmes pleuraient leurs enfants. Vous imaginez la tension que les mères pouvaient avoir. Quand tu es enceinte, il n'y avait pas d'échographie. Tu allais découvrir le jour de l'accouchement quel était le sexe de l'enfant. Et d'après l'histoire, la plupart des femmes qui accouchaient de leurs enfants garçons préféraient elles-mêmes tuer leurs enfants plutôt que laisser les Égyptiens les tuer. C'était une pression terrible. Et voici que la mère de Joseph, de Moïse, Jochebed, va tomber enceinte de son père, de son mari, Amram. Et l'enfant qui va naître, et la Bible nous dira que c'était un garçon. Et cet enfant, parce qu'il était dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu a brandi toutes les lois, toutes les difficultés qu'il y avait autour. Dieu a fait en sorte que Moïse puisse contourner cela. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes, les difficultés, les choses qui ont tué les autres ne te tueront pas. Dieu fera en sorte que tu vas les contourner, tu vas les déjouer. On a dit qu'ici personne n'est réussi, mais toi bizarrement, tu vas réussir. Bon, on continue. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que lorsque Moïse était né, Moïse était beau. Dieu avait mis un signe dans la vie de Moïse, la beauté. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as un signe sur toi. Oh, dis-le-lui encore avec conviction, tu as un signe sur toi. Le signe que tu as, c'est la beauté. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons le signe de Dieu. Le signe de Dieu, c'est le sceau de Dieu. La Bible, nous avons été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, nous avons une marque qui authentifie que je n'appartiens pas au monde, mais que j'appartiens à Dieu. Toi et moi, toi et un païen, on a tous le même visage, mais spirituellement, le païen n'a pas de signe. Mais un enfant de Dieu a un signe. Je parle à un enfant de Dieu ce soir qui a un signe, qui a une marque, qui a le Saint-Esprit. Aux yeux de Dieu, tu es beau. Oh, n'accepte pas qu'on te dise tu es moche. Moïse était beau aux yeux de Dieu et aux yeux de sa mère. Mais Jochebed regarde Moïse. J'aime les Mauriciens, le créole mauricien. Pour dire tu es beau, il dit t'es joli, t'es beau, t'es parfait. Oh. Quand Dieu te regarde, il dit Maintenant, Jochebed dit, mais je vais faire comment? Si on apprend que c'est un garçon, on va le tuer. Je n'ai pas envie de perdre. On ne te perdra pas. Non, on ne te perdra pas. Dieu va inspirer des stratégies. Il dit, bon, Je vais quand même créer une petite caisse de bois. Je veux déposer l'enfant et je veux le déposer dans le Nil. Or, le Nil est un fleuve très dangereux. Dans le Nil, il y a des crocodiles. Dans le Nil, il y a des hippopotames. Mais le problème est lequel? Ni l'hippopotame, ni les crocodiles ne vont manger. Ah, c'est lui qui a la promesse. Non, je me redis, si tu es l'argile, si Dieu a un plan avec toi, si Dieu veut mettre son esprit en toi, rien ne va te tuer, rien ne va t'étouffer. On l'a mis dedans. Et la Bible dit, Dieu a veillé jusqu'à ce que la caisse était en train de se balader, de flotter sur les fleuves. Et au même moment, comme Dieu est maître des temps et des circonstances, Dieu envoie la fille de Pharaon pour dire, tu as trop chaud, va te baigner. Oh, Dieu est maître des temps et des circonstances. En même moment, il y a eu rencontre. J'aimerais dire à quelqu'un, il va y avoir des rencontres. Il va y avoir des connexions. Il va y avoir des opportunités. Au même moment, la fille de Pharaon arrive et il regarde, mais tiens, c'est quoi ça? Oh non, c'est une caisse. On ouvre un peu. Il demande à ces filles-là, mais c'est un enfant des Hébreux. Oui, mais la fille de Pharaon connaît la loi. La fille de Pharaon pouvait faire appliquer la loi à ce moment-là. Mais la Bible dit, elle a adopté l'enfant comme son propre enfant. J'aimerais te dire, Dieu mettra même dans les cœurs des méchants l'envie de t'adopter. Moïse n'était pas mort, mais Moïse a été récupéré. Moïse a été adopté. Oh bien-aimé, tu seras adopté. Et il rentre dans la maison de Pharaon. Et vous imaginez, c'est le Pharaon qui a donné le décret de tuer tous les garçons. Mais lorsque la fille de Moïse était fatiguée, c'est le Pharaon qui donnait le biberon à Moïse. Quand le bébé Moïse pleurait, nia, nia, nia, nia, la fille de Pharaon disait, je suis fatigué papa, donne le biberon au bébé. C'est le Pharaon, celui qui a donné l'ordre. Ah, je vais redire à quelqu'un, ce sont les mêmes personnes qui ont donné l'ordre. Il a pris le bébé et il donnait à boire. Si seulement Pharaon savait que c'était son adversaire. Alléluia. Alléluia. Oh, alors dis à ton ami, j'aime Dieu. Non, dis-lui, j'aime Dieu. Il a trop d'humour. Et la Bible dira que Moïse va grandir dans la maison des pharaons. Il sera instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il va devenir puissant en parole et puissant en œuvre. C'était un Hébreu. Mais au milieu des Égyptiens, un peuple qui voulait décimer toute la race des Juifs. Et à l'âge de 40 ans, le prince arrive et il voit un Égyptien qui était en train de maltraiter son peuple. Là, l'appel de Dieu commençait à monter dans son cœur. Il ne voulait plus supporter l'injustice, les mauvaises choses qu'il voyait de ses yeux. Et quand il vient, il le bat et malheureusement, il le tue. Il le prend et le cache. Mais cet acte qu'il fait, qu'il pose, sera vu des autres. Et le lendemain, il voit deux Hébreux en train de se battre. Il vient maintenant comme un juge parce que c'était déjà en lui, mais ce n'était pas le temps. Il n'était pas encore passé par le tour de la transformation. Et il vient maintenant pour entrer dans l'appel. Ne rentrez jamais dans l'appel avant le temps de l'appel. Je peux parler à quelqu'un? Ne rentrez jamais dans l'appel avant le temps de l'appel. Dieu peut te donner l'appel, t'adresser un appel, mais cela ne veut pas dire que c'est aujourd'hui que tu vas entrer. Tu vas d'abord attendre, parce qu'il doit te travailler. Et Moïse voulait les séparer. Et ils vont dire, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui? Bien-aimé, lorsque le temps de ton appel n'est pas arrivé, les gens vont commencer toujours à te contester. Mais quand le temps de Dieu arrive, c'est le feu qui va faire que personne ne peut te contester. Bon, tu n'as encore rien compris. Tout à l'heure, tu vas bien comprendre. Et Moïse, on lui dit, mais veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Il apprend que cette nouvelle s'est répandue. Ah, si le Pharaon l'apprend, je suis mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Moïse fuit. Bien aimé, quelquefois, il faut apprendre à fuir. Ah oui, regarde ton voisin, tu peux fuir un peu. Même Jésus a fui en Égypte. Le Fils de Dieu fuit. Bon. Il fuit. Il arrive dans le désert de Madian. il rencontre des gens qui ont voulu faire un peu la pagaille avec les filles de Jéthro. Il vient, il les sépare, il les protège, il les défend. Et quand les filles de Jéthro rentrent chez leur père, il leur dit, mais sacrificateur de Madian, mais on a rencontré un Égyptien. Donc en réalité, Moïse était un Hébreu, mais il avait l'apparence des Égyptiens. Le problème est lequel? Le problème c'est que avant que Dieu t'amène, te baptise de ce feu-là, il doit d'abord te passer sous le tour de la transformation pour enlever l'Égypte qui est sur toi. Tu ne peux pas servir Dieu avec l'Égypte. Tu ne peux pas combattre Goliath avec les armes de Saül. Non, tu n'as pas compris. Tu ne peux pas aller défendre les enfants d'Israël en ayant l'apparence des Égyptiens. Moïse ne savait pas qu'il était un Égyptien. Il savait qu'il était un Hébreu. Mais l'apparence, Dieu va te soigner. Dieu va te soigner. Dieu va faire la chirurgie. Dieu va arracher. C'est pourquoi Dieu a dit, je te bloque ici dans le désert 40 ans. Dis avec moi 40 ans. Il avait 40 ans, on le bloque 40 ans. Ça fait combien d'années? Toi qui es pressé. Oh mon, mais bloque 2 ans seulement comme ça. Non. Bien aimé, Dieu n'est pas pressé. Oh, regarde ton voisin, dit, ne sois pas pressé. Touche le tien, ne sois pas pressé. 40 ans à Madian, dans le désert, la solitude. Là, il pouvait se dire, mais est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Mais oui, Dieu l'avait appelé. Mais Dieu était en train de le vider. Avant d'aller loin avec Dieu, Dieu doit vous vider. Il doit vider l'Égypte de ton cœur. Il doit vider le tyran que tu es. Il doit vider ton ancien caractère. Alléluia. Et à 80 ans maintenant, alors que Moïse, là, il était devenu patient, la Bible dit qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, et il arrive à la montagne de comment on appelle ça? La montagne d'Horeb, avec le troupeau, dans le désert, derrière le désert. Et là, pff, tout à coup, il voit un buisson. Un buisson qui était là, tout en feu. C'est comme si le feu était descendu. Le problème n'est pas le feu qui était là. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait mis, le feu comme ça, avec l'allumette qui a brûlé. Ça aussi, ça existe, le feu naturel. Mais le problème, c'est que ce feu n'est pas naturel. Il voit un buisson. Le buisson est en feu, mais le buisson ne crame pas. Le buisson ne se consume pas. Il dit, tiens. Et la Bible nous dira que l'Éternel, l'ange de l'Éternel, lui est apparu dans le buisson. Donc, l'ange de l'Éternel, si vous lisez bien les Écritures, vous allez comprendre que c'était une manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ se manifestait comme étant l'ange de l'Éternel. C'est pourquoi c'est le seul ange dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'on adorait. Vous voyez, Manoach l'a vu, Gédéon l'a vu, il a adoré, il a dit, j'ai vu l'Éternel face à face. Et lui, il voit l'Éternel, il voit l'ange de l'Éternel dans le buisson. Et le buisson ne se consume pas. Il dit, mais je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. La Bible dit, alors qu'il s'est détourné pour voir cela, une voix sort. Et il dira, Moïse, Moïse, Moïse dira, me voici. Dis à ton ami, me voici. Quand Dieu t'appelle, dis-lui, me voici. Et la vision du buisson ardent ici nous parle de quoi? La buisson, c'est cette vision ici, nous parle du signe de Dieu pour la manifestation de Dieu dans votre vie. Le temps de l'appel de Moïse était arrivé. Voici pourquoi Dieu lui est apparu dans un feu. Rappelez-vous que je suis en train de parler du feu du ciel. Dans toute la Bible, quand vous lisez la Bible, vous verrez que le feu qui vient du ciel a toujours été une marque d'approbation divine pour dire Dieu est d'accord. Le feu est une marque pour dire c'est le moment et c'est le temps. Le feu que Moïse a vu indique que Moïse était là maintenant devenu prêt. Alors qu'il y a 40 ans plus tôt, il n'était pas prêt. Là maintenant, Dieu vient lui dire, le moment est arrivé. Tu es devenu solide. Tu es devenu fort. Maintenant, tu es capable de retourner en Égypte et affronter l'opposition. Affronter les puissances occultes de la sorcellerie égyptienne. Affronter les puissances occultes. Bien-aimés, sans le feu de Dieu, vous ne pourrez jamais résister à l'opposition. Sans le feu de Dieu, vous ne pourrez jamais, jamais être résistant. Le feu de Dieu fait de toi quelqu'un de résistant, quelqu'un qui supporte le choc, quelqu'un qui ne tombe pas facilement, quelqu'un qui dit, avec le diable, nous allons voir entre nous deux qui va gagner. Mais parce qu'en moi, je suis devenu un feu dévorant, je veux te consumer. Alléluia. Alléluia. Et le buisson ardent, prophétiquement, nous parlait déjà de la Pentecôte, où le feu de Dieu devait descendre pour faire de toutes les personnes qui allaient recevoir ce feu des flammes de feu. Oh, Dieu a dit ceci. Il fait de ses vents des messagers et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. L'argile qui passe par cette étape devient une boule de feu entre les mains de Dieu. Et quand tu deviens une boule de feu, tu deviens une personne puissante, une personne incontournable. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Plus rien ne va te faire reculer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui avançons. Je vais redire, dans le changement, on ne recule pas. Dans le changement, on avance. Dans le changement, on affronte. Dans le changement, la victoire est devant nous. Dans le changement, on est devenu une boule de feu. Et quand ce feu vient, bien aimé, il vient dans deux dimensions. Dis avec moi, deux dimensions. Qui veut le feu encore, c'est ça? Et là, ton voisin, dis-lui, aujourd'hui, quelque chose va se passer. Tu peux lui dire encore une deuxième fois, aujourd'hui, quelque chose. Je ne sais pas quoi. Vous pouvez penser que je sais, je ne sais pas. Mais je sens de le dire, quelque chose va se passer. Le buisson ardent, le feu. Et quand ce feu vient, il vient pour qualifier Moïse pour la mission. C'est un feu de qualification, d'approbation divine. Une marque authentique que Dieu est avec toi. Personne ne peut le nier. Il y a des moments où il ne faut jamais se battre pour qu'on soit reconnu. Laisse Dieu se battre pour toi. Et quand ce feu arrive, il arrive d'abord à l'intérieur de toi. Dis avec moi, le feu à l'intérieur. La plénitude de Dieu. Jérémie chapitre 20, le verset 9. Regardez un peu ce que Jérémie dit. Jérémie avait reçu ce feu. Il dit dans Jérémie 20, verset 9, il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui et je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Bien-aimé, quand ce feu vient, quand tu rentres en contact dans le buisson ardent avec ce feu-là commence à brûler dans ton cœur. Tu ne peux plus te retenir. Les apôtres disaient, nous ne pouvons ne plus parler de choses que nous avons vues et entendues. Ce feu-là brûle à l'intérieur. Tu vas commencer à sentir le zèle, comme Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Ce feu-là va faire en sorte que tu ne vas plus supporter l'injustice autour de toi. Tu ne vas plus supporter, parce que ce feu te brûle, tu dois t'exprimer, tu dois t'exposer. Un feu qui brûle dans le cœur. Job chapitre 32, versets 18 à 19. Job 32, versets 18 à 19, la Bible dit ceci. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Au-dedans de moi, c'est comme un vin qui n'a pas d'issue. Comme des outres neuves qui vont éclater. Bien-aimé, quand ce feu vient, c'est comme le vin. Dans la Bible, le vin est comparé aussi au feu. Lisez la prophétie de Jacob sur Judas. Il parle de Judas qui devait prendre le vin et avoir des yeux rouges de feu. Et le vin qui est question ici, c'est aussi le vin nouveau. le Saint-Esprit. Et Job dit ici, dans mon cœur, il y a cela. Je ne peux pas le contenir. Et je suis plein de paroles. Lorsque ce feu embrasse ton cœur, il y a des paroles d'adoration qui vont commencer à monter. Bien-aimé, tu n'attendras pas la chorale pour adorer. Oh non! Aujourd'hui, les chrétiens, on doit les forcer pour adorer, pour chanter. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le feu. David dit quoi? Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuf est pour le roi et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Lorsque ce feu vient en toi, tu vas recevoir des paroles de louange, des paroles d'adoration. Quand ce feu vient à toi, tu deviens un adorateur. Tu ne chanteras pas seulement les chants des autres, mais le Saint-Esprit en toi va te donner des cantiques nouveaux. Est-ce qu'encore l'Église peut recevoir des cantiques nouveaux? Lorsque le ciel est ouvert, lorsque tu entends la chorale céleste chanter, cela brûle ton cœur et tu peux commencer à chanter des cantiques nouveaux. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, oh alléluia, oh. Alléluia, amen. Oh, j'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne jamais lui dire de belles paroles. Quand tu aimes un homme, tu dis, oh, je t'aime. Quand tu aimes une femme, tu diras, je t'aime. Mais quand tu aimes aussi Dieu, comme David a dit, des paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur, tu vas devenir un adorateur. Dans la voiture, tu es un adorateur. À l'école, tu es un adorateur. Dans la cuisine, tu es un adorateur. Dans la salle de bain, tu es un adorateur. Dans l'avion, tu es un adorateur. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu dors, tu es un adorateur. Sente la louange de Dieu, des paroles brûlent dans ton cœur. Et Dieu est en train de chercher des véritables adorateurs dont le cœur brûle pour Dieu. Oh, j'aimerais dire, quand ton cœur brûle pour Dieu, Dieu devient ta passion. Dieu devient tout pour toi. Dieu devient tout pour toi. Dieu devient tout pour toi. Que ce feu brûle dans le cœur de quelqu'un. Il y a réveil spirituel. Quand ce feu est allumé dans les cœurs. Là, vous ne faites plus les choses par tradition. Oh, demain c'est encore dimanche, il faut encore aller à l'église. Lourdeur. Tu n'as plus ce feu. Quand ce feu est en toi, tu diras, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Avant même que l'heure, avant même que le culte ne commence, tu es déjà là l'heure. Tu es déjà là l'heure. Tu as pris déjà ta place. Tu es déjà en train de disposer ton cœur dans l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de disposer ton cœur à recevoir encore plus de Dieu. Tu disposes ton cœur pour que ce feu grandisse. Oh, j'aimerais te dire, ce feu peut être dans une petite dimension comme dans une grande dimension. Mais accepte, donne-lui l'espace, donne-lui la place. Le feu va augmenter. Plus tu deviens un adorateur, plus ce qui est de Dieu vient en toi. Le secret avec Dieu, ce n'est pas toujours de demander. On demande beaucoup, mais on adore peu. On combat trop les démons. L'église aujourd'hui est devenue spécialiste de chasser, alors qu'au lieu de devenir spécialiste d'adoration. Bien aimé, la bénédiction ne vient pas quand il chasse tout le temps. La bénédiction vient lorsque... Oh, est-ce que je peux dire à quelqu'un, deviens un adorateur. Laisse tes paroles bouillonner dans notre cœur. Laisse-toi emporter par les vagues de Dieu. Brûle d'amour pour Dieu dans ton cœur. Amen. Psaume chapitre 39, verset 4. Ce feu vient d'abord à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a un adorateur qui sera visité puissamment par Dieu. Psaume 39, verset 4 nous dit ceci. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue à ma langue. David parle ici de ce feu intérieur qui brûle. Bien-aimé, quand ce feu brûle, plus nous adorons Dieu, plus nous devenons forts en Dieu. L'adoration, la prière, l'adoration, c'est comme un feu qui fait en sorte que tu deviens puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Le plus important, c'est que tu sois fort à l'intérieur. Pas avoir un gros gabarit. Être gros ne veut pas dire être fort. On est fort spirituellement. Et ce feu vient te fortifier, faire de toi une puissante personne capable de résister à toutes sortes de vents. Michée chapitre 3, verset 8. Michée chapitre 3, verset 8. Michée le dit aussi. Il dit, moi, je suis rempli de force. Je suis rempli de l'Esprit de l'Éternel. Et je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Bien-aimé, quand ce feu vient en toi, tu ne peux plus supporter l'injustice autour de toi. Tu ne peux plus voir le péché et te taire. Tu auras tellement envie de parler. Parce que si tu es changé, tu voudras qu'autour de toi les gens changent. C'est pourquoi Michée ne pouvait pas supporter. Lui étant transformé, lui ayant reçu le feu de Dieu, voir la rapine, voir l'injustice autour de lui. Il dit non, je suis rempli de force pour dire à Israël son péché. Ce feu-là te donne la force, le courage, la puissance de dénoncer les œuvres de diable, de Satan, de détruire les œuvres du diable et d'amener l'évangile pur. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile sans ce feu. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous ne pouvez pas être un vrai disciple, un vrai témoin, si vous n'avez pas ce feu. Le feu du ciel. Alléluia. Et Moïse, après l'expérience de ce feu, Moïse a reçu, ainsi dit l'Éternel. Quand il part maintenant avec ainsi dit l'Éternel, vous imaginez, Moïse va en Égypte. Moïse va annoncer à Pharaon de libérer le peuple. Mais Moïse n'a pas d'armes. La seule arme de Moïse, c'est la parole de Dieu. Lorsque ce feu vient en vous, vous n'aurez pas peur de ceux qui ont des armes. Quelqu'un ne m'a pas compris. Moïse n'a pas été envoyé avec une armée. La seule armée qui accompagnait Moïse, c'était la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu est une grande arme qui va désarmer tous les démons, les sorciers de ta famille. La seule parole de Dieu, même si on avait fait des incantations, on avait fait des choses contre toi, la parole de Dieu va dire, va et libère mon peuple. Moïse est parti avec la parole, pourquoi? À cause de l'expérience du feu. Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Dieu va te lever au-dessus de tes ennemis parce que tu as reçu le feu de Dieu. La deuxième expérience de ce feu, c'est que ce feu vient de manière visible. Dis avec moi, à l'extérieur. Moïse, après avoir connu cette expérience, savait ce qu'il va faire. Il va demander à Dieu, dans Exode chapitre 33, verset 18, Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Voici la deuxième expérience, de manière visible. Il faut rechercher ce feu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. En d'autres termes, je veux voir ce feu-là sur moi. Et Exode 24, verset 17 nous dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Bien-aimé, l'aspect de la gloire de Dieu, l'aspect de ce feu, il ressemble à un feu. Le feu de Dieu, quand il descend, quand Dieu descendait sur la montagne était en fumée. Pourquoi? C'était le feu de Dieu qui était là. Et Israël a vu cela. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Le feu qui descend sur cette montagne, je veux le même feu sur moi. Et la Bible dira, Moïse va monter sur la montagne. Dans le jeûne, dans la prière, il jeûne 40 jours, 40 nuits, sans le savoir, le feu-là était devenu sur lui. Parce que quand Moïse descend de la montagne, son visage rayonne. Et regarde ton voisin, dis-lui, tu dois commencer à briller, tu dois commencer à rayonner. Dis-lui, tu dois briller. Lorsque ce feu descend sur toi, lorsque ce feu vient dans ta vie, tu vas commencer à briller. Dieu va donner la beauté. Dieu va embellir. La gloire de Dieu va commencer à se voir sur ton visage. Tu ne brilleras plus de maquillage, mais tu brilleras de la gloire de Dieu. Oh, que Dieu fasse briller quelqu'un ici. Que Dieu fasse luire sa face sur la vie de quelqu'un ici. Que Dieu fasse luire sa face dans cette nation. Que Dieu fasse luire sa face sur nous. Fais-moi voir ta gloire. Et ma prière aujourd'hui, c'est Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand Moïse a vu la gloire de Dieu, la Bible dit, le même peuple qui n'avait pas écouté Moïse, ils ont commencé à le craindre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le feu de Dieu qui va faire que les gens vont commencer à te craindre. Je te vois arriver quelque part, les gens commencent à dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous perdre. Le feu de Dieu va marquer la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le feu de Dieu va te qualifier. Avant même que tu n'ouvres la bouche, le feu a déjà convaincu le cœur des gens. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura des gens qui seront convaincus, qui vont te craindre à cause du feu de Dieu sur ta vie. Alléluia. Lorsque ce feu vient sur toi, tu n'es plus une personne ordinaire. Tu deviens une personne extraordinaire. Si vous voulez comprendre ça, lisez juste les apôtres. La Bible dit les actes des apôtres. On nous parle des hommes ordinaires, mais qui ont reçu le feu et qui sont devenus des hommes et des femmes extraordinaires. Le même Pierre qui avait peur devant la vieille femme autour du feu, lorsque le feu de la Pentecôte l'a touché, le même Pierre s'est levé. Il a commencé à parler. Il a prophétisé. Il a prêcher avec puissance. Quand ce feu vient sur ta vie, tu n'auras plus peur de quelqu'un. Tu n'auras plus peur des obstacles. Tu n'auras plus peur des difficultés. Oh Seigneur, donne le feu à quelqu'un ce soir. Donne à cette église le feu de Dieu. Donne dans ma vie le feu de Dieu. Tu changes. Tu deviens une autre personne. Tu vas commencer à parler en d'autres langues. Tu vas commencer à comprendre le langage divin. Tu vas commencer à rentrer dans une autre dimension. Quand ce feu est allumé, les ténèbres commencent à reculer. Quand ce feu est allumé, tu commences à posséder les choses. Quand ce feu est allumé, frères et sœurs, alors que tu as reçu beaucoup de choses pendant ce moment de transformation, tout ce que tu as reçu, tu commences à le mettre en pratique. Pendant que ce feu est allumé, les portes vont commencer à s'ouvrir. Pendant que ce feu est allumé, tu commences à dominer. Et ma question est, comment recevoir ce feu? C'est là que Jean-Baptiste nous répond. Il dit, moi j'ai été envoyé pour vous baptiser d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voici la personne qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas qui que ce soit. Mais c'est Jésus. Oh, quand il vient, il ouvre ton ciel. Le ciel des reins devient un ciel ouvert. Et l'Esprit de Dieu descend. Et quand l'Esprit de Dieu descend, il vient sur toi. Et tu deviens un homme, une femme qui est baptisée du feu. Tu es baptisé du feu et du Saint-Esprit. Le feu de sa gloire, le feu de sa présence. Voici ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu m'a dit, l'Église est née dans le feu. L'Église doit se maintenir dans le feu et l'église sera enlevée dans le feu. Si nous perdons le feu de Dieu, nous resterons comme l'église d'Éphèse. Il a dit, tu as perdu ton premier amour. Le premier amour qui est ce feu, ne le perds jamais. N'éteignez pas l'esprit. Ne perdez jamais votre premier amour. Car le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimé, cela exige ton obéissance, cela exige ta consécration, cela exige ta soif. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, à celui qui a soif, je donnerai des sources d'eau vive. Si tu as soif de Dieu, tu recevras le feu de Dieu, la soif, c'est le désir de Dieu. Qu'est-ce que tu désires? Tu désires l'argent, tu désires le mariage, tu désires autre chose, mais je voudrais te dire, ces choses sont secondaires. Désire Jésus, désire le feu de Dieu, désire le feu du ciel, désire le feu du ciel. Et quand ce feu arrivera, ce feu va déblayer le chemin, ce feu va aplanir tes sentiers, ce feu du Saint-Esprit va amener l'argent dont tu as besoin, le feu du Saint-Esprit amènera le mariage dont tu as besoin, le feu du Saint-Esprit t'amènera là où Dieu veut que tu arrives, le feu du Saint-Esprit frayera le chemin devant toi. C'est un feu, quand il est allumé, il n'y a pas de pompier qui puisse l'éteindre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, aucun pompier n'éteindra le feu du Saint-Esprit dans ma vie. Oh, dans la vie de quelqu'un ici, aucun. Toi-même, tu es le responsable de ta vie. Si tu vis dans le péché, tu éteindras ce feu. Élie a demandé ce feu. Il a dit, ce peuple est trop incrédule. Ils ne croiront jamais. Il y a des gens qui ne croiront jamais tant qu'ils n'ont pas vu. Ayez tous les diplômes théologiques. Ayez tout ce que vous voulez. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup le feu. Et je cherche Dieu intensément. Jeûne, prière. Bien aimé, Dieu se cherche. Dieu se cherche dans la prière. Il faut chercher Dieu. Il dit, celui qui me cherche me trouvera. Élie a dit non. Ce peuple ne croira pas. Montons à la montagne. Ils sont montés sur la montagne. Les prophètes de Baal ont fait tout leur cinéma. Pendant 6 heures, il n'y a rien eu. Mais la 7e heure, l'heure de la perfection, l'heure de Dieu, Élie se lève. Il dit, maintenant nous saurons entre nous et vous qui est le véritable Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quand tu as ce feu, tu vas défier tous les occultistes de ton travail. Tu vas défier, oh je dis à quelqu'un, tu vas défier les sorciers. Tu vas les défier. Oh, quand ce feu arrive, tu reviens, tu as l'audace de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu dis qui? Oh, le sorcier qui va oser toucher mon enfant. Ah, il va se retrouver à l'hôpital. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Oh, ce sorcier qui vient dans ma maison. Il va se retrouver cramé, brûlé. Je défie tous les sorciers de ces quartiers. Je défie tous les sorciers qui sont à l'église. Ce soir, si tu es venu sorcier, le feu de Dieu va te cramer. Là où tu es assis, je te dis de la part de Dieu, le feu de Dieu va te cramer. Ah, Saint-Esprit, allume ton feu sur des chaises. Saint-Esprit, allume ton feu. Tu vas décoller de ta chaise. On saura aujourd'hui. Tu t'es trop caché. Oh, j'aime le feu. Pendant que Paul avait pris le terre de broussailles, il ne savait pas qu'il y avait une vipère. Mais lorsqu'il a mis ça dans le feu, la vipère est sortie. Lorsqu'il y a le feu, les sorciers qui sont cachés dans l'église sortent. Oh, je suis venu prophétiser que Dieu va exposer tous les sorciers. Ah, je dis Dieu va t'exposer. Dieu va t'exposer. Dieu va t'exposer. Dieu va t'exposer. Fire. En soi, Élie rétablit l'autel. Élie fait le sacrifice. Il place l'eau. Il se prosterne et il prie. Dis avec moi, prions. Dis encore, prions. Tout à l'heure, nous allons prier. Bien-aimés, je vous dis, on doit voir le feu du ciel. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, Éternel, je fais ces choses d'après ta parole. S'il te plaît, écoute-moi, réponds-moi. Descends, que ce peuple sache que tu es Dieu. Oh, j'aimerais dire que ce peuple de la RDC sache qu'on a un véritable Dieu. Que ce peuple sache qu'on est un véritable Dieu. Même s'ils ont mis des projets compliqués, mais que l'on sache que Dieu est aux commandes. Que l'on sache que Dieu reste Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Et que l'on sache que je suis ton serviteur. Réponds-moi. Et la Bible dit, alors qu'il n'avait pas encore fini de prier, le ciel s'est ouvert. Je vais dire à quelqu'un, le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel de quelqu'un, pendant que tu es en train de prier, la prière ouvre le ciel. Oh, je vais dire, la prière va ouvrir ton ciel et le feu va descendre. Quand le feu est descendu, tout le monde a vu le feu. Ils se sont prosternés. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Les gens se prosterneront pour reconnaître que nous sommes de Dieu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, les gens reconnaîtront que tu es l'ouvrage de Dieu. Les gens reconnaîtront que le feu de Dieu est sur ta vie. Il dit, nous reconnaissons que l'Éternel qui est Dieu, le feu du ciel est tombé sur la terre. Alléluia. Prions. Demandons à Dieu. Ne te fatigue pas de prier. C'est pourquoi il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils étaient là en nombre d'environ de 120 dans la chambre haute, dans la chambre retirée. Et là, ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont jeûné. Prions, Église. Église, prions. L'Église de Dieu doit prier. L'Église de Dieu est rentrée aujourd'hui dans la distraction. L'Église doit prier. Quelqu'un est venu me voir un jour, il dit, pasteur, vous priez trop. Vous priez trop, vous priez trop. Qu'est-ce que vos prières apportent? Il dit, ça c'est le langage des satanistes. Parce qu'ils savent que la prière attise toujours un feu. Il faut d'abord qu'ils baissent le feu de la prière, comme ça ils vont rentrer et commencer à travailler. J'ai dit, plus que tu as dit ça, j'augmente encore l'intensité. On prie encore plus. Nous allons prier. Aujourd'hui, quand on dit prions, l'église, les gens baillent. Ah, ils chantent, mais ils ne prient pas. Ils font des gymnastiques, mais ils ne prient pas. Ils mettent des CD, mais ils ne prient pas. Le feu ne peut pas descendre s'ils ne priaient pas. Ils ont prié. Ils ont prié pendant 10 jours. Ouvre le ciel. Donne-nous le feu du ciel. Ce feu qui nous transforme pour que nous devenions ses instruments pour la mission. Bien-aimé, entre les mains du divin potier, ce n'est pas d'abord pour toi-même. C'est pour que tu deviennes un instrument de Dieu pour la mission. Tu dois devenir un missionnaire. Une missionnaire. Mais quel est ce missionnaire qui va aller sans la puissance d'en haut? Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, tout à coup, dis avec moi, tout à coup, subitement, le même bruit qu'il y avait à Genèse, c'est le même bruit qu'il y a eu là. La Bible dit, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux venant du ciel. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et aussitôt des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Regarde ton voisin, dis-lui, il y aura un feu sur toi aujourd'hui. Dis-lui, alors qu'on est en train de finir, dis-lui, il y aura un feu sur toi aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé? Pierre ne savait pas que il avait un feu, mais il a vu seulement le feu sur André. André! Robobo sino robo koli robobo. André aussi regarde Pierre. Shika mama yoko tokobo sika. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne verras pas le feu en toi, mais tu verras que le feu a embrasé quelqu'un. J'ai dit, tu verras le changement dans la vie de l'autre. Oh, que Dieu nous embrase. Ils ont reçu le feu. Leur vie n'était plus jamais la même. Bien-aimés, ils ont changé. Ils ont devenu des personnes changées, des personnes transformées. Quand le feu du ciel descend, nul ne peut tenir devant toi. Quand le feu du ciel descend, l'opposition devant toi, quelqu'un a dit l'opposition se changera en soumission. Les gens qui s'opposent devant toi, contre toi, ils vont se soumettre devant toi. J'aimerais dire à l'église, alors que je suis en train de finir, le feu de Dieu te donne la capacité de résister. Dis à ton ami, je suis un résistant. Dis, je suis un résistant. Je vais résister au péché. Quand tu as ce feu, tu ne peux plus aimer le péché. Quand tu as ce feu, tu ne peux plus aimer les petites choses, les choses de la boue. Quand ce feu est en toi, tu cherches la pureté, tu cherches le cœur de Dieu et tu cherches à faire la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ferme nos yeux.